Je revins au vaisseau et je presse mes gens de remonter à bord, puis de larguer l'amarre. Je fais part à mes gens des soucis de mon cœur. Amis, je ne veux pas qu'un ou deux seulement connaissent les arrêts que m'a transmis Circé, cette toute divine. Non, je veux tout vous dire, pour que, bien avertis, nous allions à la mort ou tâchions d'éviter la parque et le trépas. Donc, son premier conseil est de fuir les sirènes, leurs voix ensorcelantes et leurs prairies en fleurs. Seul, je puis les entendre, mais il faut que, chargé de robustes liens, je demeure immobile, debout sur l'emplanture, serré contre le mât. Et si je vous priais, si je vous commandais de desserrer les nœuds, donnez un tour de plus. Je dis, et j'achevais de prévenir mes gens, tandis qu'en pleine course, le solide navire que poussait le bon vent s'approchait des sirènes. Soudain la brise tombe. Un calme sans haleine s'établit sur les flots qu'un dieu vient endormir. Mes gens se sont levés. Dans le creux du navire, ils amènent la voile, et s'asseyant aux rames, ils font blanchir le flot sous la pale en sapin. Alors, de mon poignard en bronze, je divise un grand gâteau de cire. À pleine main, j'écrase et pétris les morceaux. La cire est bientôt molle entre mes doigts puissants, et sous les feux du roi soleil, ce fils d'en haut. De banc en banc, je vais leur boucher les oreilles. Dans le navire alors, il me lie bras et jambes et me fixe au mât, debout sur l'emplanture. Puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Le navire est enfin à portée de la voix. Nous passons en silence. Nous passons en vitesse. Mais les sirènes voient ce rapide navire qui bondit tout près d'elles. Soudain, leurs fraîches voix entonnent un cantique. « Viens ici, viens à nous. Ulysse t'a vanté l'honneur de l'Achaïe. Arrête ton croiseur. Viens écouter nos voix. Jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap sans ouïr les doux airs qui sortent de nos lèvres. Puis on s'en va content et plus riche en savoir, car nous savons les mots, tous les mots que les dieux, dans les champs de Troade, ont infligés aux gens et d'Argos et de Troie. Et nous savons aussi tout ce que voit passer la terre nourricière. » Elle chantait ainsi, et leurs voix admirables me remplissaient le cœur du désir d'écouter. Je fronçais les sourcils pour donner à mes gens l'ordre de me défaire. Mais, tandis que courbé sur la rame il tirait, Eurylope venait, aidé de Périmède, resserrer mes liens et mettre un tour de plus. Nous passons, et bientôt l'on n'entend plus les cris ni le chant des sirènes. Mes braves gens, alors, se hâtent d'enlever la cire que j'avais pétrie dans leurs oreilles, puis de me détacher, et l'île disparaît.